Dans les tunnels dignes de ce nom, une distance de sécurité est généralement imposée aux usagers. Pour faciliter l'évaluation de cet intervalle de sécurité, des diodes bleues équipent certains tunnels. Les automobilistes distinguent clairement la diode la plus proche d'eux et la suivante, située à 150 mètres devant au maximum. Parfois, il s'agit de chevrons peints sur le sol. Il est alors nécessaire de compter deux chevrons pour respecter l'intervalle obligatoire. Il peut s'agir aussi des mêmes marquages délimitant une bande d'arrêt d'urgence. Ces distances de sécurité permettent d'éviter des carambolages ou la propagation d'un incendie d'une voiture à l'autre. Réponse A et C.